Ok, c'est bon, je mets le timer. Je bois une petite gorgée de cidre. Pas extrêmement bon d'ailleurs. Bon, alors comment est-ce qu'on fait? Qui commence? On commence ensemble? Bah ouais, on peut faire une intro tous les deux. Une petite intro commune. Ok, à 3. 1, 2, 3. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on est avec Vincent, je suis Quentin, et on va parler de plein de choses très intéressantes. Donc c'est un... C'est bon? Ouais. Yes? Ok. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'un podcast qu'on n'a pas nommé, on n'a pas trouvé de nom. En fait, on y va vraiment en total impro. Ouais, voilà. On a juste un thème, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à la bonne franquette? On est à la bonne franquette, on est même sur une banquette. On est à la bonne franquette sur une banquette. Et ça, c'est beau. Et ça, il est raté MC, toi. Je suis un peu rappeur à mes heures perdues. D'ailleurs, je suis rappeur, polisseur de boules de bowling et aussi éleveur d'autruches au Pérou. Ah ouais? Ouais. Ah ok, moi je travaille en Papouasie en ce moment. Ok. Je suis carisseur de carie. De carie. Tu fais travailler les mots de la bouche. Bah oui, je suis un peu dentiste aussi, c'est pour ça. Ouais, je suis carisseur de carie, donc je nettoie des caries. Ouais. Sur les gens et après ils vont chez le dentiste. Ok, mais ça a rien à voir avec Caris. Caris, le rappeur, bah si, un petit peu. Un peu quand même. Un peu quoi. Il t'aide à travailler. Ah, en fait, il casse les gueules, il casse les bouches. Ouais. Comme ça, t'as plus qu'à mettre les. Voilà, les c'est ça. Okay. C'est un peu mon partenaire. Particulier? Particulier. Excellent, excellent. Du coup, bon, bah, comme vous pouvez le voir, c'est totalement random, hein, vraiment. On va juste parler de manière complètement aléatoire. On est un peu des bots actuellement. Donc vraiment, ça va être chiant. Non, ça va être très amusant. Restez, je vous en prie. On a besoin d'argent. Alors, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, on a un chat qui risque de passer là. Ouais, ça va être le fil rouge hein, de ce podcast. Non, c'est un chat gris c'est vraiment. C'est un chat gris c'est blanc. C'est pas du tout un fil rouge. Hein, pas... je sais pas ce qu'il raconte. Mais... du coup, le concept, c'est du coup de parler de plusieurs trucs, mais là, comme dit, on a même pas le nom, on n'a pas de sujet. On a un seul sujet, en vérité, qui est les anecdotes par rapport à des travaux, ouais. Des jobs. Des jobs d'été nuls ou des voilà, jobs des, nuls. Des shitty jobs, voilà. Comme on dit à l'américaine, des shitty jobs. Et ben écoute, je te laisse commencer. Bah donc, en fait, parce que je le précise juste, mais c'était censé être notre sujet de secours et carrément, il le balance directement, quoi. C'est incroyable. Ouais, on était censé... Vraiment, on va tenir 5 minutes. Non, déjà 5 minutes au lit, c'est beaucoup pour moi. Parler 3 mais minutes. Mais je croyais que t'étais... Oui, je suis vierge, effectivement, okay. Mais ça, j'évite de le dire, quoi. Ouais, je comprends. Okay. Surtout devant un podcast vu par n'importe qui sur Internet. Ah bah là, il y a au moins 3 personnes. Donc c'est bien que tu le dises pas. Ouais, voilà, je le dis pas. On peut passer au sujet oui, le sujet. Il y a un problème, peut-être. Tu non. Le constat. Alors, j'ai pas tes gros si, bras. Si, mais non. Alors, déjà... Bon, il m'a eu à la flatterie, j'avoue. Et t'étais... Ok. T'étais... j'étais chaud, hein. Décontenancé. À la fin, t'as voulu me faire des bisous alors qu'à la base, tu voulais me taper. C'est ouf. J'ai ce pouvoir-là. Je suis un amour, finalement. Une crème. Un hippie. On appelle ça un hippie. Un hippie. Celui qui transforme la violence en amour. Moi, on me met des fusils à la gueule. Je mets des petites, fleurs dedans. La fleur au fusil. Alors, ben justement, la fleur au fusil, mon petit gars, je te laisse commencer avec ton anecdote. Ça n'a rien à voir. Si, partir avec la fleur au fusil, ça veut dire comme ça, innocemment. Gaiement, il s'en va gaiement raconter son anecdote, c'est parti. Voilà. Alors, moi, en fait, comme job nul, ouais. J'ai fait emballeur. Mon ami, pardon. Emballeur. J'ai fait... emballeur. En gros, je vais faire des cartons par rapport à des... c'est nul. Non, tu m'as dit, j'ai fait emballeur. Je me suis imaginé un mec, tu vois, son métier, c'est genre de choper des nanas, tu vois. Et juste, il est payé pour ça, tu vois. Et après, les emballe, il se passe rien. Ouais, c'est ça, emballe, il flirte et tout, et ouais, ça se passe ça bien. Va, ou quoi. Et genre après, quand ça va un petit peu plus loin, il s'arrête, il touche un chèque. C'est un bifton. On appelle ça un romantique, je crois. Alors, peut-être tu peux nous raconter... Et oui, du coup, j'étais emballeur professionnel. Ouais. Non, en vrai, j'étais dans une agence d'intérim qui m'avait fait travailler dans l'expédition, en fait, plus précisément. C'est-à-dire, dans quel pays l'expédition? On envoyait partout. Hein. On était en France, on envoyait partout, en Pologne, non, au Maroc, tout ça, bref. C'est parce que c'est deux pays frontaliers, hein, Maroc et la Pologne. Et c'était juste un job nul où je devais juste emballer des structures en aluminium. Ouais, c'est dire ça, c'est vraiment nul. C'était des structures en aluminium sur mesure que je devais emballer pour qu'elles soient envoyées par camion et tout. C'était, ma foi, chiant. Alors, déjà, le raconter, c'est très peu intéressant. Tu t'es endormi, j'ai vu. Mais imagine le vivre, mon pauvre ami. Ça va être si long. Et en plus, c'était des équipes de matin et d'après-midi. Ça veut dire que moi, qui ai l'habitude de me coucher très tard en général, je devais me lever vraiment à 4h50 et c'est pas agréable hein, de se lever si tôt. Ouais. J'ai tout mon respect pour les personnes qui se lèvent aussitôt parce que vraiment je sais pas comment vous faites. Et voilà, c'était. Et l'anecdote que je voulais raconter, c'est surtout en fait que dans la boîte dans laquelle je bossais, il y avait un homme qui ressemblait pour deux gouttes d'eau à Tobey Maguire. Je ne mens pas. Alors. Tobey Maguire, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, vous n'avez jamais vu Spider-Man, donc vous ne méritez pas de regarder ce podcast. Ouais, quittez tout de suite. On parle bien sûr de la première trilogie de Sam Raimi, oui. Qui est une œuvre exceptionnelle, en plus d'être bien. Voilà. C'est exact. Elle est exceptionnelle et bien. Et en plus, elle est bien. Ouais. Franchement, ça fait deux raisons. Si ça ne vous avait pas donné envie d'y aller. Je devrais faire une critique de film, je trouve. Ouais, grave. Il y a un petit truc. Pas trop mal. Bah, t'as fait une critique sur Les Indestructibles. Allez voir sa critique sur Les Indestructibles. Oh là là, ça plug. J'étais même ici. Hein. Ça plug. J'étais même ici. C'est-à-dire, t'étais chez toi et dans la critique. Alors, oui. C'est physiquement impossible. Bah, j'ai dit que je carissais des caries. Ah oui. Ça m'empêche pas de me cloner. Hein, donc, voilà. Alors, tu les caries, mais comme t'es quand même un homme tendre, on rappelle que t'es un peu un hippie, est-ce que tu les caresses aussi, quand même, histoire de faire passer. Parce que j'imagine, il n'y a pas d'anesthésie, vu que caries, c'est là pour casser les gueules, tu vois. Bah, je le fais. En fait, j'utilise un peu d'huile de massage à la lavande. Mais dans la bouche, alors. Dans la bouche. Okay. Et je masse comme ça les petites dents. Par contre. Pour pouvoir masser comme ça, on est obligé d'arracher toutes les dents à côté et après de masser la carie. Donc on enlève toutes les bonnes dents et on masse la carie. Okay. Ouais, ouais. Et comment les gens après ils font c'est quoi leur quotidien après une telle intervention? Bah généralement ils sont pas très contents. Hein. Ouais. Ouais. Ils nous disent mais c'est de l'arnaque votre truc. Et on fait bah. Et ils arrivent à parler comme ça alors qu'ils ont plus de dents. Lui c'est de l'arnaque votre truc. Là c'est plus réaliste. C'est plus réaliste. Et du coup je disais Tobey Maguire. Oui, Tobey Maguire. Il y a Tobey Maguire qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau cette personne. Et si ce n'est qu'elle était un peu bedonnante, un peu joufflu. Et alors, du coup c'était marrant. Bouffi, un peu bouffi, t'as dit. Ouais. Est-ce qu'elle a un lien avec Laurent Baffy? Pas du tout. Non. Par contre, ça a un lien avec Laurent Bouffi. Qui lui est un personnage créé par les Inconnus en référence à Laurent Baffy. Ah oui, effectivement, dans le sketch Trouble jeu, exactement. On fait genre, mais on l'a regardé avant, c'est pour ça qu'il a réussi à passer la ref. Voilà. Et voilà, en fait, cette anecdote qui est pas ouf. Hein. J'ai croisé un gars qui. Arrête de dénigrer ton travail là. J'ai juste croisé un mec qui ressemblait à Tobey Maguire. Mais en fait, le voir, ça m'a porté un sentiment de bien-être extrême, car je suis un fan inconditionnel. De Spider-Man, notamment les films de Sam Raimi hein, dont on parlait tout à l'heure qui ont fait mon enfance. Là, c'est le moment où je pars et je lui laisse parler. Donc, oui, bah va-t'en. Et oui, alors. Très, très beau hors-champ. Vraiment, je suis à 30 cm de la caméra, yes. Je suis un fan absolu de Spider-Man. Ouais. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu apprécies ce personnage fictif? Non. Pourquoi on est amis alors? Bah je me casse immédiatement. Attends, on refait le même sketch qu'il y a une seconde 30. Ouais. Bah, c'est toi qui parles? C'est moi qui. Tu me laisses dans ton appartement? Je te. Attends, c'est mon appartement? Ouais. Ça je bon, bah c'est moi qui parle. Okay. Allez, j'ai compris. Plus sérieusement, oui, Spider-Man, c'est très très cool. Bon, The Amazing. Spider-Man, nul. C'est nul et mauvais. Contrairement au premier qui est excellent et bien, là c'est nul et mauvais, vraiment. Ne faut surtout pas regarder ça. Homecoming, c'était franchement Homecoming, bien. C'était bien. Très cool. Très bien. Belle reprise de volée, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, la première trilogie est excellente. J'ai jamais compris pourquoi les gens aimaient de moins en moins. Moi j'ai trouvé les trois films vraiment excellents. Ah, souvent on dit que le 2 est le meilleur. Ouais. J'ai entendu ça. Moi je préfère le 1. Ouais, moi aussi. Vraiment. Après je mettrai le 2 et quand même en dernier le 3. Enfin, quoique. Quand j'ai vu le 3 au cinéma, attention, anecdote. Encore des anecdotes. Le problème, c'est qu'on a 25 minutes, on peut pas faire plus. Ah bon, pour eux? Parce que c'est capé à 30 minutes, et après, il y aura un trou dans le podcast. Chut. Donc, autre anecdote. J'ai pleuré devant très peu de films hein, dans ma vie. Est-ce que la phrase que tu vas finir là, oui, est « J'ai pleuré devant Spider-Man 3 » Oui. Waouh. Personne au monde, à part cet homme, n'a pleuré devant Spider-Man 3, c'est sûr. Mais quand le meilleur ami de Spider-Man meurt, désolé pour le spoil, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, c'est de votre faute. C'est vrai. Harry Osborn. Harry Osborn, j'étais si triste. Ouais, c'est un souvenir douloureux, mais okay. La vie continue. D'accord. Donc, quand Ben meurt dans le premier, pas du tout, aucune tristesse. Zéro réaction. C'est rien, mais alors par contre, Harry, qui a trahi Spider-Man. Ouais, mais il est revenu sur ses pas. Oui, bah bien sûr. Oh, c'est ça. Donc on peut tuer des gens et après on fait genre, ah, je suis ton pote et tout est pardonné, c'est ça. Donc là, si je vais tuer des gens et que je dis, ah, oh, t'es mon pote Vincent, tu me pardonnes. Alors, vu comme ça. Ah, trouble jeu, encore une fois. Ok, et toi, ton anecdote par rapport à un job nul à chier. J'en ai plein. Parce que je le rappelle, cet homme, avant de devenir James Bond et polisseur de boules de bowling, j'ai été magasinier dans un super. Alors ouais, c'est super U, attention. Alors non, j'ai été magasinier dans un hyper V. V, ouais. Voilà, qui est une grande surface, bon pas trop connue en France, mais j'étais au rayon légumes tout ça. Donc c'était assez drôle parce qu'à l'époque je détestais les légumes et Dieu sait que aujourd'hui ça n'a pas changé. Et du coup, bon voilà, c'était vraiment très ennuyant comme métier, c'est pas ouf, surtout que les gens, moi j'étais pas en relation directe avec les clients au niveau des balances pour peser les légumes et tout, mais bon voilà, je faisais le stock et tout. Et anecdote marrante, mais extrêmement triste et frustrante, c'est que beaucoup de mes collègues se battaient littéralement à coups de légumes dans les stocks, mon gars. Genre on allait dans la chambre froide et tout, et ça se balançait des tomates, des trucs, mon gars. Non, c'était terrible. Et tu sais, ils étaient trop marrants, attends, je te chope et tout. Et moi j'étais là comme ça avec mes cartons entre deux jets de tomates et un jet de carottes et tout. Mais après, les légumes, ils en faisaient quoi, ceux qui... Ah bah ils les mettaient en rayon, non? C'est vrai? Bah non. Quoi, c'est vrai? Non. Moi je suis trop naïf. Non, il laissait les légumes pourrir à même le sol. Bon, après c'était nettoyé évidemment, parce que je tiens quand même à dire que les grandes surfaces sont quand même, en tout cas celle où j'étais, était très propre, vraiment dans son dans ses backstage, si on peut appeler ça comme ça, dans ses coulisses, en concert. Donc toujours vraiment des synonymes du cinéma, hein. Tu t'arrêtes. Je suis un cinéphile. D'ailleurs, je m'appelle Quentin, comme Quentin Moziman, le DJ de toutes les plus grosses soirées ciné d'Auvergne. D'Auvergne et de Navarre, exactement. Putain, j'ai jamais compris cette expression. Faudrait que je recherche pourquoi Navarre. De ouais. France et de Navarre, tu vois. Bah, je sais pas, ça devait être. Ça veut dire genre les contrées. Alors, je vais sûrement dire une très grosse connerie, ouais. Mais c'était peut-être. Genre une colonie ou un truc. Yes. Ou non, donc immédiatement la pire chose que ouais, la France. La France yes. Non, moi j'avais pensé à la bataille Navarre, tu vois, où il faudrait genre dire mouton C5 et tout, et genre ça, tu fais péter les bergers et tout. Désolé, là je peux. Non, vraiment ça n'a aucun sens. Donc ouais, il y avait ça, c'était complètement dingue. Est-ce que j'ai d'autres trucs par rapport à la situation là-bas? Pas tellement, non, franchement, c'était c'est clairement pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, mais c'était assez intéressant de voir comment tout ça fonctionnait, parce que en tant que client et tout, ah si, ils avaient une benne qui comprissait. C'est-à-dire qu'elle comprenait énormément de choses, mais mal en fait, donc elle comprissait. Oh, putain, ça. Non, donc elle compressait, mais en faisant des erreurs de français. Ouais, c'est ça. Elle récitait ses verbes, c'est une calamité. On l'appelait d'ailleurs. Calamity James. Exactement. Calamity Benz. Oh, putain, si je l'avais eu. Du coup, non, c'était... on n'avait pas le droit d'y toucher. Normalement, il fallait être un adulte, voilà, en bonne et due forme, 18 ans, passé plus et tout. Parce que j'avais genre 13-14 ans et tout. Et moi, on me laissait jeter des cartons dans la benne et tout, alors que c'est le genre de truc, bon, tu laisses ta main. Bon, il faut être un peu débile, vraiment, pour laisser sa main dans un truc qui vient lentement écraser jusqu'au fond... du bac, le bac de la benne, comme on le connaît tous, le bac de la benne. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'était un peu dangereux. Moi, j'aime vivre dangereusement. Je suis un preneur de risques. C'est-à-dire, je suis heureux de prendre des risques. Un preneur de risques. Voilà. Est-ce que tu as d'autres anecdotes de travail? Non, moi j'allais dire, mais c'était comment ça se fait que t'aies pu bosser là-dedans? C'était à 13-14 ans. Alors que tu sais, moi j'ai tout fait dans ma vie. Ah ouais. Ah, j'ai tout fait. Est-ce que t'as ramassé du tabac dans ma tabatière? Comme... Je peux dire qu'il est bon, mon pote. Non, pas du tout. Comme la... Non, mais comme la majorité des jeunes. Oui, c'est vrai que. Alors, ne faites pas ça, vraiment. C'est entre guillemets facile de faire ça, mais vous allez être extrêmement fatigué et vous êtes payé une misère. Vraiment, c'est normal. Attends, fatigué? Tu parles de fatigue à un gars qui a fait 3 matchs de ça foot y dans est. 2 jours. Oh, le vantard! Alors, je. Excuse-moi, je... est-ce que vous êtes un souffle d'air chaud ou froid qui arrive tard dans la journée? Parce que vous êtes vraiment un vantard. Hein. C'est ouf, dès que la caméra tourne, tu peux pas t'empêcher de faire des jeux de mots avec tout et n'importe quoi en fait. C'est. Alors, quand tu dis n'importe quoi, est-ce que. Et voilà, en fait. J'ai dépassé, je pense, le niveau de fatigue qu'un humain peut arriver à ressentir. Ressentir, puisque hier j'ai enchaîné 2 matchs de foot de 40 minutes la mi-temps à chaque fois, donc 80 minutes plus 80 minutes. Donc j'ai fait 160 minutes de foot hier et aujourd'hui j'en ai fait encore 70. Et c'est terrible, terrible. J'ai des ampoules aux pieds de la taille de continent. Je vraiment. C'est physiquement impossible. Impossible. À l'échelle, non, impossible. Bah, quel continent? L'Afrique. Impossible. Impossible. Un orteil, c'est comme ça. L'Afrique, c'est beaucoup plus grand que ça. Impossible. Est-ce que t'as une règle pour mesurer l'Afrique? Non, je crois pas. Bah voilà. Donc, t'es qu'un mensongier. Un mensongier. J'arrive même pas à faire de jeu de mots. C'est impossible. Tant ce mot est étriqué. Et inextricable. Il est étriqué et extrêmement. Et voilà, je pensais pas pouvoir réussir à finir le match d'aujourd'hui, car vraiment j'étais schlass. Mais c'est vrai qu'on. Schlass. T'étais. Ça se dit en autre part qu'en Alsace. Mais en fait, tout le monde a sa définition du mot. Genre pour certains, les schlass, ça va être les chaussures. Schlass, ça peut être un coup de couteau. Ce genre de choses, tu vois. Bah, chez nous, schlass, ça veut dire crever, fatigué, quoi. Voilà. Et t'as oui, alors effectivement, on peut quand même l'applaudir effectivement pour cette belle performance. Beaucoup. Alors par contre, tu me dis le plus haut taux de fatigue qu'un humain puisse ressentir. Ouais. Alors comparé à un enfant dans une mine de diamants d'un pays du tiers monde qui bosse beaucoup plus, qui est payé une misère, qui a très peu à manger sous des coups de fouet, des coups de poignard, coups de pistolet laser. Est-ce que c'est aussi fatigant que ça? Ça l'est plus. Ouais. Ah ok. Plus, d'accord. Bien. Putain, plus. Bah mec, tu dois vraiment être fatigué alors. Je suis crevé. Le summum de la fatigue. Quoi. Je suis schlass. Tu es schlass. Donc tu es une paire de chaussures. Ou un coup de couteau. Ou alors tu es des échlass. Je suis. Non vraiment. C'est... Cette blague, j'allais faire une blague nulle, mais t'as fait encore plus nulle. Ça m'a sauvé la vie. Merde. Sinon, pour éviter de trop digresser, je peux parler encore une fois d'un boulot que j'ai fait. J'ai été assistant chef cuisinier dans un restaurant italien. Putain, c'est stylé ça. Ouais, c'était très cool. Aussi pour un stage de collège dans la belle. Combien de temps? Une semaine? C'était une semaine. 3 heures, mon gars. Moi, j'ai fait un stage de 3 jours. C'est vrai? Collège, ouais. Putain, oui, moi aussi, chez un assistant graphique. Donc vraiment tu enchaînes anecdote sur anecdote. Ah mais j'ai tout fait. Attends mais on va rester sur l'assistant cuisinier et après on va... Non le truc de l'assistant cuisinier c'était assez spécial. C'était marrant, il y avait une très bonne ambiance entre les cuisiniers et tout. Ça se jetait des tomates et des poivrons. Ouais, non mais tu vois genre ça crachait dans la pâte à pizza et ça était trop con. Après ça la servait aux clients et tout. Enfin, trop bien ça. Ça laissait tomber la cigarette comme dans l'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse de Louis de Funès. Et du coup effectivement je me souviens d'un truc en particulier, enfin de deux trucs. Le premier c'est que je n'ai pas été payé, ils m'ont offert un plat de gnocchi à la fin de la semaine qui était délicieux, cela dit je dois quand même leur donner. Yes. Il a vraiment sauté du... Il y a mon chat qui fait du bruit. Il fait des siennes. Il fait des siennes. Il fait des chiennes et pourtant c'est un chat. Non, non. Ouais, et la deuxième anecdote, c'est qu'il fallait couper tout le temps des piments. D'ailleurs, je pense qu'en vérité, il n'y en avait pas tellement à couper, mais ils m'en ont donné beaucoup parce que j'étais là et que c'était chiant à faire. Et mon gars, j'ai jamais eu aussi mal aux doigts de toute ma vie. Ah ouais? Oh là là, ça rentre, c'est la moindre ça coupure brûlait. Que t'as, ça rentre, c'est terrible. Après, ça sent pendant, 10, mec, pendant 18 ans, mes doigts sentaient le piment. 18 ans, c'est beaucoup quand même. Et à ton avis, pourquoi je suis encore puceau? À cause de ça? À cause de ça. Encore des maintenant, ils sont plus. Mais attends, on avait dit que tu le dirais pas. Ouais, non, mais. Enfin, je veux dire, puceau, les puces d'eau, quoi. Je suis un peu entomologue. Attends, c'est ça les insectes? Non, je sais plus. Ça, aucune idée. Si, je crois que c'est ça. Hein. Non, attends, c'est les oiseaux, ça. Ah, oh, putain, je sais plus. Mais en tout cas, tu n'es pas. Non, mais putain, tu le remets sur la table alors qu'on en parlait pas. C'est une honte, ok, tu sais à quel point c'est difficile à porter ça? Mais non, je sais pas. Toi, t'as aucune idée, t'as des meufs par milliers là. Tu m'en parles jamais parce que tu ne l'es pas de toute façon. Je le rappelle. Hein? C'est pas. Enfin bref, tout ça pour dire que. C'est inadmissible. Moi, je commence un podcast, je suis de bonne humeur. T'es là, tu fais que me tacler, tu fais des jeux de mots nuls, tu parles je sais pas, ton truc d'assistant cuisinier, tu monopolises la parole, tu fais que parler d'anecdotes. Ah non, c'est moi, pardon. C'est moi, ça. Eh, c'est moi. C'est lui. C'est moi. Non, mais j'ai pas d'autres anecdotes par rapport à des jobs nuls, étant donné que j'ai eu une enfance facile. Et privilégiée. Et privilégiée. Car ton père et mère, on le rappelle. Mon père est maire d'un village. Voilà. Et on est l'une des seules familles à avoir une piscine dans notre village. On attisait les haines des rageux qui, eux, n'en avaient pas. La jalousie. La jalousie, mon gars. Et du coup, ça fait que très tard, j'ai fait des jobs d'été. Le premier, c'était à 18 ans, 17-18 ans. Et j'ai eu bien de la chance. Donc, merci mes parents, voilà. Je voulais finir sur une note joyeuse, mais vraiment, j'arrive pas. Non, bah écoute, moi je trouve ça assez déplacé de ta part. De me vanter comme ça, je suis un vantard. Encore une fois, c'est fou. Enfin bon, bref, voilà, on va arriver bientôt à la fin. Est-ce que t'as encore une... Moi j'ai quelques anecdotes, mais si t'en as encore une, peut-être que tu peux la placer. T'as vu encore une anecdote, c'est sûr. Oh, une anecdote. Ouais, mais une anecdote par rapport à quoi? À ton travail, puisqu'on est là pour parler de ça. Alors, il y avait... Non, pour l'instant, j'en ai pas. Je te laisse raconter la tienne. Putain, mais mec, depuis que tu fais de la muscu, tu te sens vraiment plus. C'est dingue, ça. Ah! C'est un bâton de Magnum. Ça ne peut pas te toucher comme ça. C'est impossible. Ah oui, c'est vrai. Pardon, c'est vrai. Je suis bête. Je me suis dit, ça fait mal et tout. Et en plus, franchement, t'es un peu musclé et tout. Non. Ça m'étonnerait que ça te fasse aussi mal, hein. Grand gaillard que t'es là. Non, mais genre, tu vois, je vais aller chercher de l'eau un peu après. C'est gênant pour moi là. Tout le temps ce besoin de s'étirer, c'est dingue. Je crois que je suis un peu narcoleptique. Et pas narcissique tout court. T'es trop narcissique, mec. Tu gardes narcissique. Vraiment, tu. Il faut être son. Hey, Memento Mori, je replug un contenu à moi. Il faut être son premier fan, c'est important, ok. Y a une frontière entre le narcissisme et l'égoïsme absolu. Et toi, t'es vraiment la frontière, t'as fait. Ah oui, je l'ai explosé. Oh mon gars, mais rien n'existe. Clairement, là, je te vois pas, c'est un reflet de moi. Je discute avec moi-même directement, c'est incroyable. Incroyable. Non, écoute, t'as encore peut-être un petit truc à raconter? Non, vas-y, je disais justement que je te laissais raconter une anecdote à toi, vu que t'en avais encore. Oui, écoute, alors sur mon dernier stage de collège, comme ça on m'aura fait tous mes stages de collège, donc chez l'assistant graphiste qui était aussi photographe, qui était dans le centre de Strasbourg. Bon, stage assez intéressant d'initiation à Photoshop, un petit peu au graphisme, tout ça. Par contre, il faisait beaucoup de photos extrêmement abstraites, avec des couleurs très bariolées, un peu confus. Tu vois, des Eagles? Ouais. Ce genre de truc, avec des femmes avec quatre bras bleus, dont un bras qui est vert, tu vois, ce genre de truc. Moche. Original, en tout cas. Très original, en tout cas. Et non, c'était cool quand même, il a été extrêmement bienveillant. Je veux dire, les deux seules fois où il m'a touché, ça s'est très bien passé, donc Non, en plus c'est vraiment touchy comme sujet. Ouais, touchy. Yes. Ben, on va aller en prison directement. Non, plus sérieusement, par contre, ça s'est très bien passé. Et le truc, l'anecdote qui est à noter, que je souligne et que je vais raconter d'ici quelques secondes. Moi, j'ai une anecdote, si tu veux teaser la tienne que je raconte la mienne. Non, je finis la mienne et on part sur la tienne. On finira sur la tienne, comme ça, le meilleur pour la fin. Ça te va? Ouais, j'ai pas du tout la pression. C'est faux. Si, la pression. Et en fait, non, du coup, il faisait aussi beaucoup de photos de nus. Et du coup, j'étais là à 14 ans à voir défiler des photos de femmes nues, comme ça, dans toutes les positions possibles et tout. C'était extrêmement enrichissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, toi, ça devait pas te déranger tant que ça. Hein. Non, bah, du coup, ça me frustre encore plus, étant donné que je n'ai pas pu connaître les. Mais alors, ce sujet, pardon. On avait. Oui, dit. C'est vrai. Pardon. Mais je suis tellement bloqué là-dessus, du coup, bon, c'est compliqué. Là. Ça doit être dur, d'accord. Ça doit être dur, mais il faut pas en parler maintenant. C'est pas le moment. Tu sais, on est là, on soutient. Ah. Mais... Du coup, ton anecdote, c'est quoi? Alors, mon anecdote, c'est que... merde, maintenant j'ai oublié. Si. Yes. Ah, si. Pendant que je faisais mes études, on a dû faire soit un job d'été d'un mois, soit un stage d'un mois aussi, dans une entreprise de graphisme. Et enfin dans une agence de communication quoi. Et moi en fait j'ai choisi de faire un job d'été et j'ai de la chance parce que en fait j'ai fait un job d'été mais dans le domaine dans lequel on travaillait, dans lequel on prenait de l'expérience. Et du coup j'ai dû travailler, j'ai fait de la mise en page. Alors déjà en fait quand j'ai reçu le coup de fil comme quoi je pouvais bien travailler pour ces personnes. T'as dû être tellement heureux, mec. J'étais très heureux, ouais, mais par contre ils m'ont annoncé ça comme étant un job où j'allais mettre en page des notices d'utilisation de ton dos. Ah oui, c'est vrai. Et vraiment c'est, vrai. C'est peu intéressant mais tu l'as pas tant fait que ça, hein. Comment ça, je l'ai pas tant fait que ça? T'as pas fait beaucoup de ça, non? De mise en page? Si, bah tout. Ah, je croyais que t'étais passé genre à des catalogues, des prospectus au bout d'un moment, mais non, t'as fait que de la mise en page de catalogues. J'ai fait que de la mise en page. Et en plus, c'était même pas moi qui faisais la mise en page, c'était quelqu'un d'autre, et moi je devais juste mettre à jour. Enfin bref, c'était un peu chiant, en plus j'avais un ordi ultra lent en 4 tiers et tout, c'était horrible. Un ordi en 4 tiers? Ouais. Attends, mais c'était dans les années 80 ou quoi? Non, mais c'était un écran plat, mais en 4 tiers, quoi. C'était nul. Mais bref, il était hyper lent et tout. Et l'anecdote marrante, c'est que... On va se marier. Et là, on va se marier, hein, attention. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on dit là, ça, je vais raconter un truc drôle, c'est jamais drôle, c'est jamais. Et du coup, là, ça ne va pas l'être. Allez. En fait, je travaillais donc sous le joug d'une... sous le joug, c'est pas sous la jupe, attention. Hein. Alors, sous la jupe aussi, mais c'est pas le... Non, je travaillais sous le joug d'une fille qui travaillait là-bas depuis un moment déjà. Et l'un de nos collègues l'appelait Mein Schatz. Mein Schatz. Ce qui veut dire ma chatte, en gros. En alsacien, c'est vrai? Ouais. Et, je parle pas allemand, moi. Et il confond les Allemands et les Alsaciens, et moi, ça me fait toujours extrêmement mal au cœur. On peut pas confondre deux choses qui sont pareilles. Impossible. On peut pas confondre deux choses qui sont pareilles, mec. Donc du coup, Mindshot, je suis désolé, j'abrège, mais en fait, on va être limité par le voilà. Temps. Donc il l'appelait Mindshot à longueur de journée. C'était un peu gênant, je pense. Très gênant. Mindshot. Et du coup, toi, il t'avait donné un petit surnom quand même, ou... Non, même pas. Moi, j'étais. Même pas un petit truc affectif, genre mon petit Vincent de merde ou un truc. Non. Non, je m'en rappelle pas alors. Ah, d'accord, très bien. Bah écoutez, on va finir sur cette anecdote, autant... Alors pas en couleur, mais autant en poil peut-être. Une chatte. Ouais. On parle de l'animal, bien sûr. De l'animal. De toute façon, il n'existe pas d'autres chattes, je veux dire. Non. Enfin, pas à ma connaissance, en non, tout cas. Bah non, non, il n'y a que l'animal qui s'appelle comme ça. C'est tout. Ok, parfait. Bah écoutez, on espère que ce premier essai, ce premier pilote complètement random vous a quand même plu. Nous, on s'est bien marrés. Moi, j'ai adoré. Voilà. C'est le mot « adoré ». Bah voilà, c'est parfaitement narcissique pour quelqu'un qui a produit le contenu, mais ça va. Moi, je suis narcissique. Tu sais quoi, je me casse. De toute façon, j'en ai marre. J'ai un coup de fil à passer de toute façon à ta mère, donc je vais y aller et ça sera comme ça. À ma mère? Oui, enfin, je veux dire à ta mère. Non, mais c'est. Enfin, c'est. Y'a rien de spécial, t'inquiète, c'est pas. Attends, non, un coup de fil à ma mère? Non, mais attends, mais c'est.